Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Hortense Schneider, la belle Hélène d'Offenbach. Le 17 décembre 1864, au Théâtre des Variétés à Paris, le public n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. La belle Hélène, le dernier spectacle d'Offenbach, est un feu d'artifice de charme et de drôlerie, du jamais vu. Les mélodies, les voix, les décors, les costumes, tout est réuni comme le désir Offenbach pour chanter la vie et rompre avec l'ennui. Les puristes, eux, se pincent le nez. Cet Offenbach, qui n'est même pas français, comment ose-t-il faire rire avec les héros de Homère et les dieux de l'Olympe ? Blasphème. Et cette plantureuse Hortense Schneider, dans le rôle d'Hélène de Sparte, la digne épouse du roi Ménélas, ne dit-on pas à la ville qu'elle n'est qu'une femme entretenue, la maîtresse de quasi toutes les têtes couronnées d'Europe ? Tant pis pour les raseurs. Depuis 1864, la belle Hélène n'en finit pas dans le monde entier d'enchanter le public. Et pourtant, sans la ténacité de ce drôle de bonhomme qu'était Offenbach, ce chef-d'œuvre a bien failli ne jamais voir le jour. C'est cette histoire, tendre et trépidante, que je vais raconter ce soir. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Jean-Claude Dion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, le spécialiste en France d'Offenbach, on peut le dire, l'auteur d'une biographie du compositeur qui fait référence. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre de fois que la belle Hélène d'Offenbach a été montée depuis sa création en 1864? Ça serait vraiment très difficile à dire, parce que c'est une œuvre qui n'a jamais quitté le répertoire, hein, qui a été reprise du vivant d'Offenbach et puis ensuite un peu partout. Une œuvre d'ailleurs qui tout de suite a été jouée un peu dans tous les pays du monde. Donc on a eu des belles Hélène qui chantaient en allemand, en russe, en anglais, en italien, en espagnol et que sais-je. Une œuvre très populaire. Alors, pour les opéras, j'imagine que ce spectacle, c'est l'assurance de jouer à guichet fermé. Ah, c'est sûr que ça... Offenbach, globalement, le nom d'Offenbach sur une affiche, ça fait venir le public, et spécialement quand on met la belle Hélène. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette œuvre qui fait qu'elle ne prend pas une ride ? Il y a une alchimie secrète d'Offenbach, c'est quoi ? C'est peut-être l'art d'Offenbach, c'est vraiment la réunion de plusieurs choses assez différentes qui tiennent, on en reparlera, à ses origines. Et là, il y a un équilibre entre toutes ces composantes assez exceptionnelles. Et puis aussi, je suis très attaché à cette idée, c'est vraiment un portrait de femme assez extraordinaire. Hélène, c'est vraiment un personnage, on est quelques années avant Carmen, hein, avec autre les mêmes librettistes, les mêmes librettistes, Mia Kialévi. Oui. C'est aussi, voilà, c'est une femme qui s'assume pleinement, qui ne ment pas avec son désir. Et je pense que ce personnage central est l'élément clé du succès de l'ouvrage. Il y a une dimension féministe ? Ah oui, Offenbach est quelqu'un de très féministe et la belle Hélène est certainement l'une des pièces où ça apparaît le mieux. Parce que si vous regardez tous les personnages hommes, j'ai regret à le dire, ils ne sont pas spécialement flattés, hein, entre Ménélas qui est un crétin, Paris qui est un bellâtre et les autres ne valent pas mieux. Mais elle a vraiment une dignité, une force assez extraordinaire. Oui, elle est belle et elle désire et elle ne s'en cache pas. Voilà, elle se ment pas elle-même. Voilà, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Ça, c'est formidable. Alors, d'Offenbach, on dit qu'il est le roi de l'opérette, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, opérette? On s'y perd parfois un peu entre ces termes, opérette, opéra, opéra bouffe. Quelle est la différence? Déjà, la belle Hélène, c'est un opéra bouffe. Parce qu'Offenbach a voulu ce terme qui était beaucoup plus valorisant, qui faisait allusion, par exemple, aux ouvrages de Rossini pour valoriser son œuvre, son répertoire. Mais il est le créateur d'un genre qu'on appelle l'opérette, parce que tout simplement, ce genre, au début, pour des raisons administratives qui semblent un peu bizarres, on ne pouvait jouer que des pièces en un acte, donc des petits opéras, d'où ce nom d'opérette. Mais l'ensemble de ce phénomène social, vraiment, qui a été l'opérette dans la seconde moitié du 19e siècle, fait qu'on a repris ce nom, alors que précisément, la plupart des œuvres sites sont des opéras bouffe. Et tout cela est quand même un peu en marge de l'opéra proprement dit, officiel, le genre un peu guindé, dont Offenbach ne va pas manquer de se moquer très souvent. Et il finira lui-même par en écrire un opéra à la fin de sa vie, qu'il n'aura pas le temps de finir d'ailleurs. Un opéra qui est un chef-d'œuvre absolu, Les Contes d'Hoffmann. Il avait d'ailleurs écrit aussi un autre opéra pour Vienne, s'appelait Les Fées du Rhin, où on trouve déjà la fameuse barcarolle Les Contes d'Hoffmann. Mais voilà, Offenbach, c'est quelqu'un qui est un peu en marge, qui, comme beaucoup de génies comiques, cherche à être reconnu et à rentrer dans les institutions officielles, mais dont le vrai talent le pousse vraiment vers la satire et vers le fait de se moquer de tout. Alors avant de raconter l'histoire de la création de la Belle Hélène, une histoire assez amusante, vue à travers les yeux de la diva Hortense Schneider, pouvez-vous nous rappeler qui est Offenbach? Donc on est en 1864, d'où il vient cet homme? C'est quelqu'un qui est déjà depuis longtemps à cette date en France, puisqu'il est arrivé à Paris en 1833, à l'âge de 14 ans, avec vraiment ce désir de conquérir Paris. La vie d'Offenbach, c'est la vie d'un personnage balzacien, c'est une sorte de Rastignac de la musique. Et imaginez donc ce petit immigré allemand qui débarque, qui parle à peine français, il a appris quelques rudiments, il n'a pas d'argent, il va commencer dans une mansarde, comme un héros de roman. Il est juif. Son père est le chantre de la synagogue, je crois, à Cologne. À Cologne, tout à fait. Et il va galérer pendant des années et des années, puisqu'il sa carrière n'éclate, si je puis dire, vraiment qu'à partir de 1855, lorsqu'il fonde son théâtre, Les Bouffes Parisiens, pour se faire jouer, parce qu'il est lassé de voir qu'on lui ferme toutes les portes. Et donc en 1864, on est à la veille de ce qui va constituer la période la plus extraordinaire de son succès, les années 64 à 70, où là son succès sera vraiment mondial. Et Offenbach est un des premiers musiciens à avoir eu une renommée absolument planétaire. Ça tient bien sûr au fait qu'on est à une époque où les transports et l'information se diffusent beaucoup plus largement. Mais on peut dire qu'Offenbach, c'est un des premiers musiciens qui a une stature mondiale. Est-ce que son succès, il le doit aussi au Second Empire, à Napoléon III? Non, alors ça, je me suis beaucoup battu contre cette idée d'un Offenbach bouffon du Second Empire, mais il le doit aussi beaucoup à son personnage, parce qu'il a compris qu'on entrait dans une société médiatique, et il s'est construit vraiment un personnage, il avait cet accent qu'on retrouve dans tous les téléfilms qui le mettent en scène, qu'on entendra sans doute tout à l'heure. On avait aussi cette figure inimitable, ce personnage qui semble un cadeau pour les caricaturistes, et c'est quelqu'un qui sait faire parler de lui, qui a passé une sorte d'alliance avec le journal Le Figaro. C'est un homme de médias, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut mieux même, encore une fois, faire scandale, avoir des critiques, mais l'important c'est qu'on parle de soi, et de ce point de vue-là, c'est totalement notre contemporain. Jean-Claude Dion, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Hortense Schneider, La Belle Hélène d'Offenbach, un texte d'Isabelle Bournin, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation Sophie Haute-Picon. Attention, rideau. Opérette. Qu'est-ce que c'est encore que cette lubie? Avec son français farci d'allemand, Offenbach n'a toujours pas compris qu'ici, dès qu'on ajoute du « et » à un mot, hop, on glisse vers le petit, le mineur. C'est bien gentillet, mais ça ne me va pas du tout. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits chiens? Tu les sais bien, toi. Hein? Je chante comme une fauvette, mais je suis une fauve, une lionne. Viens là, Puck. Viens. Toi aussi, mon Vicky. Oui. Non, mais pourquoi pas une chansonnette pendant qu'il y est? Et de la musiquette? Non, non. Je veux du grand, moi. Du vrai. Du somptueux. L'empereur est venu m'applaudir aux Tuileries. Je ne m'abaisserai pas d'un pouce, pas d'un cheveu de ma crinière de lionne. Quelle mouche l'a donc piqué, mon escogriffe moustachu? On enchaîne les succès, mais monsieur veut innover? S'il veut faire de moi une divette pour ses opérettes, pas question. Diva ou rien. Mars 1864. Hortense Schneider, qui a débarqué à Paris il n'y a même pas 10 ans, est une des chanteuses lyriques les plus réputées. Ce n'est pas qu'elle chante bien, c'est qu'elle roucoule. Elle improvise, elle émeut, elle danse et fait rire le public aux éclats. Les journaux vantent son jeu sensuel et plein d'esprit. Lamartine loue sa voix en chanteresse et ses dons de comédienne. Elle est bien loin, la fille du modeste tailleur de Bordeaux, l'apprentie fleuriste effrontée sans le sou. Hortense est aimée par le duc de Gramont-Caderousse, aristocrate fortuné et célèbre dandy. Elle s'est beaucoup servie de ses charmes, mais c'est à son talent qu'elle doit son ascension. Elle pourrait arrêter là sa carrière. Pourquoi suivrait-elle encore son complice qui veut tenter une nouvelle mode? Seulement voilà, le matin même où elle part jouer le Brésilien à Bruxelles... Offenbach surgit à la gare du Nord. Ne cours pas si vite, tu as le temps. Le train part dans 10 minutes. Voilà mes palpitations qui recommencent. Enlève donc ton manteau. Oh, excusez-moi. Ce qu'il y a comme monde. Ne t'inquiète pas, tu seras à Bruxelles ce soir. Tout est réservé. Ton Orphée aux Enfers aussi, il paraît que c'est tout le temps complet. Exact, exact. On dit qu'avec tes couplets, l'enfer est devenu un paradis. Justement, ma chère Hortense, arrêtons-nous un instant. À propos de paradis, le rôle de la déesse que j'écris pour toi, je l'ai presque terminé. Je travaille beaucoup, tu sais à quel point tu m'inspires. Ce sera une merveille. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sera dépassé. Je te l'ai déjà dit, cette histoire d'opérette, je n'y crois guère. Tu ferais mieux de continuer ce qui marche. Tout est lancé. On fait une lecture des 2 premiers actes en juillet, en octobre, démarrage des répétitions, sauf si la censure nous oblige à tout réécrire. C'est ça qui te donne des palpitations, c'est la censure. L'équipe au complet compte sur toi, tu le sais. Et moi, je ne sais plus. Je rêve de me reposer dans mon petit coin natal. Ne me dis pas que c'est vrai. Tu as envie de repartir dans ta campagne? Tu veux retrouver les cochons? Ils ramassent des truffes là-bas. C'est sérieux ce que je te dis. Nous en parlerons à mon retour. Je rentre dans 1 semaine. Ah non, maintenant, tu es désinvolte, Hortense. C'est que je virevolte. Oh, oh, mon chapeau. Oh, ce n'est rien, mon petit Puck. N'aie pas peur. Oh, mais fais attention! Avec ta canne, tu as failli lui donner un coup. Oh, je te prie d'accepter toutes mes excuses, Puck. Aide-moi, s'il te plaît. Attends. Tiens, la laisse. Tu le retrouveras toujours, ton berceau. Il ne s'envolera pas. Non, t'inquiète pas, mon Vicky, je suis mais là. Mais ton compositeur fétiche, ton Jacques qui fait pétiller toute la vie parisienne jusqu'en Russie. Ne faut-il pas le garder? Je te dois beaucoup, je ne l'oublie pas. Ça va, mon chapeau? Remonte un peu. Là, c'est bien. Bon, et le porteur, il est où? Je le vois derrière. Avoue qu'il est chargé. Tu sais, pour mon opérette, je te rappelle que tu m'avais promis... Non, mais franchement, ton histoire d'opérette, ça ressemblera à l'opéra bouffe italien. Nein, nein und nochmals nein. C'est un genre typiquement français. Copié sur Rossini. Mais pas du tout. Mais tu leur fais peur. Non, mais c'est rien, c'est rien. Nous mêlerons le chant, la danse et le théâtre. C'est nouveau. Paris veut du rire. Paris veut allier le rire au faste. Tu auras de grandes envolées à donner la chair de poule. Et des dialogues parlés complètement farfelus. Puis, tu sais, grâce à la loi de janvier, j'ai les coudées franches. On a le droit de produire un spectacle musical dans n'importe quelle salle. Je me suis déjà produite dans toutes celles de Paris. Et tu t'es fâchée avec le Palais Royal. Moi, je suis en pleine négociation avec le Théâtre des Variétés. Si tout se passe bien, il évince nos concurrents et sa saison prochaine repose sur nous. C'est un pari énorme. Enfin, qui viendra? La cour et les classes populaires. Nous récolterons tous les publics, ceux des vaudevilles, ceux de l'opéra comique et ceux qui se rasent avec Wagner. Tes œuvres ont toujours plu jusqu'à présent. Les dragées du baptême, Trombalcazar, Bataclan... Quand une recette fonctionne, on n'y touche pas. Ton rôle, sincèrement, c'est cadeau. Une déesse qui séduit tous les hommes, une femme fatale. Il n'y a que toi qui puisses l'incarner. Ça, c'est gentil. C'est là, Bruxelles. Ah, c'est ici. Ici. Fais-lui signe avec ta canne. Hé, hé. Vous pouvez monter les bagages. Tu ne peux pas me faire ça, Hortense. Je prends des risques énormes. Je sors à peine de mes déboires avec la SACD. J'ai mis tout sur ce projet. Peut-être, mais pour l'instant, moi, je pars à Bruxelles. Tu m'as promis. Je défends le morceau à tout le monde. José Dupuis a refusé d'autres propositions parce que je lui ai assuré que tu seras sa partenaire. Allez, les cocos, dans mes bras. Voilà. Attends, attends. Enfin, mais Jacques, arrête! Tu vas me faire rater le train? Oh, tu peux alerter toute la gare avec un contre-hutte pétaradant si ça t'amuse. Je veux que tu m'écoutes. Écoute. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Oh, tu chantes mal. Mais c'est bien, c'est entraînant. Tu n'imagines pas les mélodies que j'ai en tête. Bon, enlève ton pied. Je suis sûr que les refrains passeront à la postérité, et toi avec, à condition que tu crées le rôle. Elle s'appelle comment déjà, ta déesse? Hélène, tu le fais exprès, je te l'ai dit 1000 fois, la belle Hélène. C'est plus qu'entraînant, c'est irrésistible. Emprunté à Homère, c'est l'histoire de la plus belle femme du monde, la déesse Hélène, fille de Zeus. Tous les hommes la convoitent, prêts à se faire la guerre pour ses beaux yeux. Mariée par son père au roi de Sparte, Ménélas, elle s'éprend follement du prince troyen Paris. Celui-ci, déguisé en berger, remporte un jeu d'esprit organisé par Agamemnon. Définitivement subjuguée, Hélène convainc le prêtre Calchas de jouer les entremetteurs, puis fugue avec son prince en bateau. Avec Offenbach, l'épopée antique se transforme en un adultère bouffon, où sont parodiés Achille, Ajax, Oreste et autres géants offerts à la risée populaire à travers un enchaînement de gags. Alors que le contrat avec le Théâtre des Variétés est signé et que la date de la première est fixée pour décembre, Hortense s'obstine, d'autant plus que des considérations personnelles l'entraînent ailleurs. En mai 1864, elle vend ses meubles et quitte Paris. Encore la prairie, le champ de blé, le moulin sur la droite. Quand nous aurons traversé le verger, nous y serons. Oh, que je suis impatiente. Les pruniers sont ronds comme des montgolfières. Je sens déjà les fruits sous mon palais. Vite, vite, presto, presto. Mon cœur bat une cadence folle. Je crois que je suis à 130 à la noire. J'éclate. Oh, mais c'est lui! C'est mon grand amour que j'aperçois! Oh oui! Il fait de la balançoire! Oh, comme il va haut! Me voilà! Me voilà, mon chéri! Je suis là! Georges! Georges! La belle Hortense ne se soucie guère d'Offenbach. Pourtant, il se démène comme un diable. De leur côté, Ludovic Halévy et son copain de lycée Henri Meillac, talentueux auteurs qui collaborent fréquemment, sont mobilisés sur le texte, sans cesse relancés et pressés par Offenbach. Il leur transmet régulièrement ses motifs musicaux, pointilleux, perfectionnistes, soucieux d'allier la virtuosité rythmique à des dialogues cocasses. Il organise aussi la promotion et surveille l'avancement de la maquette scénique. Il commande au décorateur Édouard Desplechin d'immenses toiles pour ses trois tableaux, le temple de Jupiter, l'appartement d'Hélène et le bord de mer. Offenbach en est déjà au repérage de costumes dans la régie du Théâtre des Variétés avec Ludovic Halévy, quand la fâcheuse nouvelle du départ d'Hortense se répand. Il n'y a que des merveilles ici. C'est un conte de fées. Il est déjà 11 heures. Nos choristes, nos figurants, ça fait du monde à habiller. Qu'est-ce qu'il fiche Henri ? Sûrement retenu dans les bras d'une femme. On n'a pas assez de soucis avec Hortense. Même le régisseur m'en a parlé quand je suis arrivé. Ça jase. Chez sa mère, c'est ridicule. Comment elle a osé me faire ça ? Elle ne réalise pas l'enjeu. Puis la gestion, elle n'y comprend rien. Regarde, ce sont celles que Grévin a dessinées pour des danseuses. C'est exactement ça qu'il nous faut. Des robes comme ça, scintillantes, de toutes les couleurs. Il en faut beaucoup. On ne lésine pas. Ça doit voltiger sur le plateau. Que des teintes vives. Et les figurantes jolies, toutes impérativement jolies. On réserve ces robes. Tu es marrant. Il faudrait peut-être déjà résoudre le problème numéro 1. C'est tout vu. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je la remplace. Que veux-tu que je fasse d'autre ? Tu es devenu fou. Zulma Bouffard, Delphine Ugalde, Irma, Albine, des belles cantatrices, on en trouve. Si on n'a pas Hortense en tête d'affiche, on n'aura pas les recettes escomptées. Le directeur des variétés réclamera un dédommagement. Ah non, stop, stop. J'ai déjà un procès avec les bouffes parisiens. Si Cognard, mon Colin... On peut repousser la date de la première. C'est exclu. Où j'ai mis mon binocle ? Ah, tu as dû le laisser sur la pile de carton, là-bas, vers les toges. C'est un vares labyrinthe. Ah ! On a déjà vendu le spectacle à Vienne et à Berlin. Faut absolument que ce soit le grand spectacle des fêtes de fin d'année à Paris. Qu'est-ce que tu fais ? Rachel l'a porté dans Andromaque. On a l'impression d'entendre ses plaintes. Un jour, j'arriverai à ce niveau d'émotion, si Dieu m'en donne le temps. Alors ménage-toi. Dans l'immédiat, tu fais comment pour désamorcer les potins ? Hortense qui nous lâche, on a l'air malin. Arrête d'être un rabat-joie. Je me suis porté garant. Je suis obligé de tenir le cap. Si elle n'assure pas la lecture de juillet, ça va démotiver tout le monde, je te le dis. Moi le premier. Ah non, pas toi. Pour les choristes, par là. On ne donne surtout pas à nos rivaux du grain à moudre. Surtout pas. S'ils profitent de nos ennuis, c'est fichu. Mais en plus de José, maintenant tu as signé avec Guyon, Cop, Coudert, les meilleurs ténors. Tu oublies Grenier dans le rôle de Cacasse. Qu'est-ce que tu leur diras ? J'ai ma petite idée. Ah, les voilà. Les tuniques pour les gardes, c'est exactement ça. Avec les sandales, les ceintures, impeccable. S'ils pouvaient nous faire un prix, on passe aux accessoires ? Mmh. Oh là là, j'ai la poussière partout. Pour Achille, faut les chaussures jaunes pointues avec un talon qui dépasse de 10 cm. Tu t'en es bien tiré jusque-là, mais cette fois-ci, tu me fais peur. J'espère que tu n'auras pas à repartir dans ta forêt noire criblée de dettes. Ben, je te remercie. Ah, dis donc, pendant que j'y pense, tu diras à Henri, dans l'acte 1, ça va galoper. Je reprends le thème central, ce sera puissant, avec des cuivres. Et donc, il faudra les meilleurs musiciens de Paris. Mais on n'aura pas Hortense. Fais-moi confiance. Jacques Offenbach a 45 ans. Il est encensé comme compositeur, violoncelliste et chef d'orchestre. Autour de lui, tous les secteurs bouillonnent, la métallurgie, les mines, le textile, le bâtiment. Des halles de Paris aux stations balnéaires de Biarritz ou Deauville, le pays est un gigantesque chantier. Depuis son coup d'État de 1851, Napoléon III encourage l'innovation. Il libéralise les échanges commerciaux, le marché du travail est florissant et la bourse a la fièvre de la spéculation. Fièvre qui se propage au divertissement. Un nouvel opéra est en construction sur les plans de Garnier. Deux théâtres se font face sur la place du Châtelet. Dans l'euphorie générale du Second Empire, Offenbach se veut le grand entrepreneur des spectacles. Juillet 1864. Comme prévu, la troupe se réunit pour la première lecture de l'opérette, mais sans Hortense. Offenbach dévoile alors sa petite idée à Ludovic Halévy. Il lui confie une mission de la dernière chance. Il l'envoie auprès de sa vedette, nichée dans sa propriété aux environs de Bordeaux. Je suis arrivée depuis 3 semaines et j'ai tout oublié de Paris. Je voudrais tellement rattraper le temps perdu. Dors, mon petit Georges. Dors. Désormais, ta maman veille sur toi. Quel bonheur de te regarder. Quelle paix. Je serai près de toi chaque jour. C'est juré. On ne se quittera plus. Nous serons bien là, au milieu des prés et des arbres, entourés de fleurs, comme dans ma loge. Nous nous promènerons. Nous jouerons ensemble. Je chanterai pour toi avec les oiseaux. Je te donnerai tout ce que je pourrai. Je te chérirai. Je te protégerai toujours. Je te dorloterai. Tu seras mon petit roi à moi. Son enfant vient d'avoir 6 ans. Hortense l'a peu vu grandir, l'ayant confié à sa propre mère dès la naissance. L'éloignement lui est maintenant devenu insupportable. Je viens. Oh, pas moyen d'être tranquille. Quel admirateur zélé vient encore me courser jusqu'ici. Maman, je te présente un auteur que tout le monde s'arrache, Ludovic Halévy. Madame. Monsieur. Maman, Ludovic a sûrement un petit creux. Assieds-toi vite. Quelle surprise, toi ici. Elle est de ce matin. Ces tas sont les meilleurs de la terre. Les poires sont excellentes cette année, sucrées. Ah, mais c'est donc ça, je me disais. Tu es légèrement plus joufflue. Tu vas la prendre dans la figure, la tarte. Tu vas voir. Je vous laisse. Je vais au jardin pendant qu'il fait soleil. C'est pour me dire ça que Jacques t'envoie ? Ah, détrompe-toi, il n'est pas même au courant. Pourquoi es-tu venue ? Pour prendre de tes nouvelles, pardi. Je suis ce soir à Agen pour ma dernière comédie, j'ai fait un détour. Bien, tu vois, je me porte à merveille. Tant mieux, tant mieux. Franchement, Hortense, tu es plus épanouie que jamais. Tu as les épaules d'une princesse, le port d'une reine, les courbes de Vénus. Hélène, adorée de tous les dieux, a moins d'atouts que toi. C'est donc un personnage d'opéra, pas d'opérette. Dommage que Jacques n'ait pas vu ça. Jacques est le premier qui met en scène des héros qui ressemblent aux puissants d'aujourd'hui. Des héros qui vivent dans le luxe et la dépense. Et tellement drôle. C'est ça qui va plaire. D'ailleurs, Albine l'a bien compris. On en est qu'aux lectures, mais elle s'en sort déjà pas mal du tout. Albine ? Albine Renaud, oui. Il fallait bien trouver quelqu'un. Albine Renaud, mais mes petits chiens chantent mieux qu'elle. Ah, elle n'a pas ton timbre, mais... Elle a un timbre de cocotte, oui. Si elle n'était pas une de ces grandes horizontales, elle ne serait jamais montée sur scène. Elle a tout de même un sens comique. Oh, si tu voyais ça, la scène au palais, quand il joue au jeu de loi, on rit. Sûrement, avec son air de poule. Tu sais, maintenant qu'on peut mettre autant de figurants que l'on veut sur scène, il y en aura des dizaines. Du jamais vu. Quelle basse-cour cela doit être. Dans l'acte 2, les charades. Quel délire. Je n'ose guère imaginer le duo sur la plage. Ah ça, José fait tout ce qu'il peut, mais c'est sûr, sans toi, la scène a moins de piquant. Nous, tu comprends, on t'avait imaginé avec ta longue chevelure de feu, debout sur la proue du bateau. Tu aurais fait tourner toutes les têtes. En route pour Cythère. Le public t'aurait adulé. On avait commandé une robe de taffetas, rien que pour ce final. Hein ? De quelle couleur ? Bleu et or. Ah. Assorti à des chaussures frangées de perles. Enfin, que veux-tu? La première est pour décembre, comme prévu. Et attends, Jules Chéret nous fera une affiche en couleur. Eh bien, tant mieux. Mais je crains que ça ne dure moins que l'Iliade et l'Odyssée. Avec votre fourre-tout, ce n'est pas trois que vous allez prendre, c'est un fou. Heureusement que Jacques ne t'entend pas. Garde-le bien pour toi, mais sincèrement, je le trouve de plus en plus maigre. En coulisses, il dit toujours... ça fonctionne, mais avec mon Hortense, ce serait tout en double, la finesse et la fantaisie, la volupté et la gaieté. Il dit ça ? Vraiment ? Le petit stratagème orchestré par Offenbach a réussi. Ludovica Lévy tourne les talons. Aussitôt, le sang d'Hortense ne fait qu'un tour. C'est reposant, la campagne. C'est joli. L'air est bon. Mais enfin, si Paris est le centre de l'Europe, il faut y être. Pourquoi n'aurais-je pas tout ? Mon enfant près de moi et le rôle d'Hélène. Je n'ai qu'à emmener maman. C'est sur son testament que le duc de Gramont m'a maintenant couchée. Moi et ma petite famille sommes définitivement à l'abri. Je serais bien sotte si je tournais le dos à ce que m'offre le destin. Le progrès embrase la France. Ne dois-je pas monter encore plus haut, moi aussi, me lancer encore et encore dans la fête ? Qui puis-je ? C'est ainsi. Ma vie est un bal sans fin. Elle brille de mille feux, comme l'époque. Aide-moi encore à tirer cette malle. Ouh, j'ai mal aux reins. C'est plus de mon âge. Tu vas enfin connaître la plus belle ville du monde. Voilà. Mettons-la là. Près de la mienne. Réfléchis bien. Ah non, non, non. C'est décidé. J'ai le goût du bonheur et je suis née au bon moment. Paris. Paris. Les fortunes s'y font et s'y défont en un jour. Mais tu verras. Il y a d'immenses magasins et des cafés-concerts autant que d'églises. Même le soir, les trottoirs sont éclairés. Je croyais que tu ne voulais plus. Porter des crinolines ? Eh bien si. Regarde. Que ferais-je de cette robe ici ? Oh, elle tirait bien. Si ton père me voyait. Tu sais, il faisait ce que les clients demandaient, mais c'était un tailleur débordant d'imagination. Ça ne m'étonne pas. Je t'apprendrai la valse. Et un, deux, trois, je t'emmènerai au café anglais. Oh, et tu goûteras les glaces à l'absinthe du fameux Tortoni. Admettons. Mais où irons-nous? À Paris, tu n'as plus rien. J'ai Jacques. Mon ami Jacques. Il est où, le journal qu'a laissé Ludovic? Tu es assise dessus. Je vais te montrer. Regarde sa gravure dans la Gazette musicale. Plutôt bel homme, avec ses favoris. Tu vas pouvoir le rencontrer. Hortense, si c'est encore un coup de tête... Entre Offenbach et moi, tout est affaire de tête. D'autres exposent leur maîtresse comme un équipage de chevaux. Lui, il m'offre la gloire. Je vais encore chanter, chanter, chanter. Chut! Tu vas réveiller Georges. Octobre 1864, Jacques Offenbach et ses librettistes sont fous de joie. Hortense est à Paris. Elle double le montant de son cachet, ainsi que la surface de son logement. Seul son âge diminue, elle retire 5 ans. La voilà avenue Foch, avec sa mère et son fils, au milieu des fauteuils capitonnés, des guéridons incrustés de nacre et des tables gigognes en palissandre qui font fureur. Le dernier écueil est enfin franchi. La censure a coupé les excès de volupté, les atteintes au clergé et à la vie familiale, sans toutefois endommager l'opérette. La presse s'emballe, elle annonce un spectacle décapant et sensuel de 2 heures qui enflammera le public. Vous voulez amener le poisson de charbon ? Laissez passer. Rayonnante, Hortense joue les divas, même en répétition. On est bon, là? C'était bien, très bien. On se donne 5 minutes de pause, pas plus, hein? Oui, oui. Il va falloir peaufiner l'entrée des rois. On a encore 2 heures. Je vais nous chercher de l'eau. Bonne idée. Léa? Oui? On va reprendre sur l'entrée des rois. Faut que ça file quand tu présentes Achille, Ménélas... Là, le cortège à papa. C'est ça, tu as bien compris. À partir de ta réplique, le plateau sera bondé. Tiens. Ah, merci. Tu resteras bien côté court, le bras tendu vers le roi quand il dit « Je suis l'époux de la reine, poux de la reine ». C'est impressionnant, vu de la salle. On dirait Napoléon III et Eugénie qui prennent leur bain de foule. Et moi, on me voit tout de même. Mais bien sûr, Léa. On va régler cette scène au millimètre. Tu veux voir autre chose? Non, on va bientôt y retourner. Dis donc, Ludovic, elle est où, la réplique avec les caresses et tout? Hortense, tu sais bien, c'est la censure. Alors, José, il me parle des baisers, je lui réponds des longs baisers et c'est tout. Elle a raison quand je dis « Oui, c'est un rêve, oui, c'est un doux rêve d'amour. » Il manque quelque chose. Bon, ça suffit, il est passé où? Elle dit « Va-t'en, mon loulou, à son mari, et moi, je ne fais rien. » Bon sang, on ne peut pas reprendre sans Agamemnon. Moi aussi, Ludovic, tu m'avais promis une scène avec Parthénis. Je n'y peux rien, puisque je vous dis que c'est la censure. Ça devait être la fête d'Adonis. Allons, plus c'est allusif, plus c'est excitant. Le roi Barnabé qui s'avance, c'est Agamemnon. Ah, quand même, te voilà. Là, le cortège à papa. Fini la plaisanterie, Léa. L'orchestre nous attend. Attends, Jacques, il y a un problème avec leur plaisanterie à L2, je ne peux pas me concentrer. Oh, tu n'avais qu'à apprendre ton texte. Jacques, franchement, tu trouves normal qu'elle se soit tirée la langue sur ma réplique? C'est infernal, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais j'ai des raisons, figure-toi. Oui, oui. Dis plutôt que tu es jaloux. On ne va jamais y arriver. Ludovic, tu veux bien faire patienter l'orchestre? Oui, oui. Allez, tous sur le plateau. Hortense, tu restes là. Je t'assure, Jacques, elles se sont tirées la langue. Vas-y, je m'en occupe. On prend du retard, dépêchons, allez. C'est fou ce que c'est érotique, tout ça. C'est quoi cette histoire? On est à 3 semaines de la générale et vous vous chamaillez. Quand Léa dit « Ma tante, voici ma tante... » Eh bien quoi? Elle est trop vulgaire. Au reste est juvénile. Toi aussi, tu en fais des tonnes avec Paris. Moi, ce n'est pas pareil. Le texte n'est pas assez fripant. Les violons commencent à râler. Dépêchons. Mais arrête. arrête avec ta canne, ça m'énerve. Léa doit s'écarter comme si j'étais, je ne sais pas moi, la princesse de Metternich. Tu ne crois pas si bien dire. La princesse de Metternich, elle sera là. Les ministres aussi. Le duc de Morny, le prince de Galles, la cour de Suède, même le pacha d'Égypte. Tout ce grand monde à conquérir, raison de plus. Mais si je comprends bien, Hortense, tu veux que Léa soit moins cabotine? Et qu'elle arrête les cascades. Ah, c'est donc ça. Je suis la seule chanteuse qui se livre à cette improvisation vocale. J'interdis qu'elle me copie. Léa est une chanteuse, elle a le droit de chanter. Pas de m'imiter. Faut en finir, Jacques, tu vas exploser le budget. En plus, le machiniste a mis le chauffage. Il a bien fait, je suis gelée. Écoute, Hortense, je me charge de recadrer Léa tout à l'heure, ça te va? Eh bien voilà, parfait. N'en parlons plus. Soyez tranquilles, je les griserai tous. Je les griserai tous, les ducs, les archiducs, les grands bourgeois et les petits, tous, tous, tous, oui. Le lendemain, la presse qui suit avec passion la vie des chanteuses se fait l'écho de la répétition épique. Elles ont même leur caricature dans le Charivari. Léa se venge avec malice en proclamant Hortense le passage des princes, allusion aux nombreux visiteurs de son alcôve. Le moniteur des spectacles fait aussi monter la pression. Les puristes d'Homère vont-ils accepter l'outrage? Et si les courtisans prenaient mal cette parodie de leur opulence et de leur insouciance? Samedi 17 décembre 1864, au Théâtre des Variétés, pour la première de La Belle Hélène, l'ambiance est fébrile et la salle bondée. Du parterre des simples commerçants jusqu'aux courtisans qui ont payé jusqu'à 2000 francs leur fauteuil de velours. De libre. Cette soirée doit être inoubliable. Un feu d'artifice. Ces mélodies feront le tour du monde. Encore un peu de rouge sur les joues. Et mes yeux. Voilà. Oh, ils vont tous succomber. Tous. Tous. Une déesse. Tu réalises ce qui t'arrive, petite Catherine qui a remplacé son prénom il y a longtemps pour ne pas faire honte à ses parents? Le destin t'a exaucé. Hein? Il neige. Il neige et ma loge est jonchée de roses. Oh, quelle féerie! C'est un signe. Une explosion de joie se prépare. Allons-y. Hortense Schneider, la belle Hélène d'Offenbach, d'Isabelle Bourna, avec Hortense Schneider, Florence Alérac, Jacques Offenbach, Johannes Hamm, Ludovic Alévi, Grégoire Lagrange, la mère d'Hortense, Nathalie Hakoun, Agamemnon, Henri Couder, Henri de Vasselot, Oreste, Léa Silly, Sabine Revaud-Dallonne et José Dupuis, Paris, Alexandre Swann. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Sophie Picon. Vous écoutez France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Hortense Schneider, La Belle Hélène et Offenbach avec mon invité Jean-Claude Dion. Circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous. Dis moi l'exemple de ma mère quand elle vit le sénatier qui vous le savez et vous perd. Pouvait-elle se méfier? Pouvait-elle se Vénus de la belle Hélène d'Offenbach, chantée par la magnifique Régine Crespin avec l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Alain Lombard. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Léo Prangère. Jean-Claude Dion, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, mais la création de la belle Hélène, ça a été une sacrée aventure. Hein. Il en a fallu de la ténacité à Offenbach pour arriver à ses fins. La création d'une œuvre lyrique au XIXe siècle, c'est toujours très compliqué parce que ça mobilise beaucoup de savoir-faire, beaucoup de talent. En plus, là, pour la belle Hélène, c'était pour Offenbach son arrivée dans un nouveau théâtre, le Théâtre des Variétés. Et c'était en quelque sorte un transfert, c'est aussi important que de nos jours, un transfert d'un célèbre joueur de foot d'un club à un autre. Donc voilà, c'était Offenbach n'est plus au bouffe parisien qu'il avait créé, mais aux variétés. Et puis, vous rajoutez les caprices d'Hortense Schneider et effectivement un théâtre qui se convertit à l'opérette, à l'opéra bouffe comme les variétés, et c'était beaucoup d'incertitudes. Offenbach, lui, étant toujours, ayant dans cette occasion comme partout, ayant tellement foi en lui qu'il était sûr d'avancer et que ça marcherait, il avait vraiment cette certitude chevillée au corps. C'est étonnant parce qu'on sait que Offenbach est un compositeur, mais on oublie parfois, mais là on le voit bien, c'était un directeur de théâtre, un manager, un metteur en scène, il prend des risques financiers énormes, il monte un spectacle, il doit affronter la censure, on comprend qu'il avait des palpitations. Ben c'est vraiment un homme de spectacle complet et... pour pouvoir s'imposer, il a dû, on l'a rappelé, créer son propre théâtre. Donc il est directeur de théâtre, il est directeur de troupe. Il est d'ailleurs aussi, il participe beaucoup à l'écriture des livrets, hein, parce que c'est vraiment, il a un sens littéraire. Il écrit d'ailleurs merveilleusement bien. Ses lettres sont un plaisir à lire, pleines d'esprit. Et c'est aussi un grand metteur en scène. Donc c'est vraiment comme, à mon avis, on devrait le comparer plutôt à une sorte de réalisateur de cinéma de nos jours. Hein, et je pense que le meilleur descendant Offenbach, c'est quelqu'un comme Lubitsch ou Billy Wilder, voilà, les grandes comédies américaines. Pas n'importe qui, c'est pas... Ah non, mais on est à un haut niveau avec Offenbach, effectivement. Et voilà, c'est comme un réalisateur sur un plateau, c'est le centre de tout, il règle tous les problèmes. Et en même temps, c'est un grand compositeur. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? C'est un mélodiste? Alors c'est un inventeur de mélodies absolument extraordinaire. On en a entendu certaines dans la fiction. Et c'est surtout quelqu'un qui, par son parcours, mêle des héritages très différents. Il a bien sûr, c'est un Allemand, donc il a tout ce romantisme allemand en lui. Ouais, il connaît très très bien la musique. Il connaît l'histoire de la musique. Il sait vraiment. Imprégné de l'opéra comique français, il y a aussi tout ce fond d'humour juif qui est présent chez lui, et voilà, il y a toutes sortes d'éléments qui s'amalgament. Offenbach, c'est quelqu'un qui est tout à la fois, qui accepte tout. D'ailleurs, il est allemand, il a été naturalisé français, il était juif, il s'est converti au catholicisme, mais quand il retourne en Allemagne, à Ems notamment, il mange kasher, donc il continue à faire un peu sa petite, il s'arrange un peu avec tout. Et en musique, effectivement, il a réussi à fondre des influences très différentes, et il a ce génie de la mélodie extraordinaire. On dit qu'il avait une telle facilité à composer qu'il était capable d'écrire de la musique et en même temps s'occuper de ses enfants qui piaillaient autour, qui riaient, qui pleuraient. Enfin... Oui, parce qu'il a pas de minute à lui, donc il est bien obligé d'écrire dans toutes les conditions. Courir, ouais. On raconte même aussi, et ça c'est vrai, qu'il s'est fait construire dans sa voiture une table pour, lorsqu'il allait d'un théâtre à l'autre, continuer à écrire. Donc il écrit tout le temps et partout. Alors comment s'est passée donc cette première, hein, nous avons quitté Hortense Schneider et au moment où elle s'apprête à entrer sur scène au Théâtre des Variétés, donc c'est le 17 décembre 1864. Alors cette première, elle a été un triomphe. Ça a été un triomphe, ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres d'Offenbach, dont certaines très célèbres ont commencé avec des difficultés. Mais là, La Belle Hélène, tout de suite, l'enthousiasme a été parfait et l'œuvre a commencé une carrière extraordinaire. Ouais, le public a adoré. Et la critique, elle a parfois été sévère. Alors, pour la Offenbach. Critique a souvent été sévère avec Offenbach. Pour La Belle Hélène, c'est pas tellement la critique, enfin le fait qu'il met à bas l'antiquité classique. Ça, c'était plutôt pour Orphée aux Enfers. La critique a eu du mal, je pense, avec ce personnage de femme tellement sensuel qui s'affirme vraiment. On le voit bien d'ailleurs dans le cas de Zola, hein, puisque Zola a fait une sorte de parodie de La Belle Hélène avec Nana dans son roman Nana, où l'héroïne effectivement. On rentre sur scène avec la création de la blonde Vénus, qui est vraiment une allusion transparente à La Belle Hélène. Et là, pour le coup, Zola, il est plutôt dans ses habits de petit bourgeois qui comprend rien et qui est un peu coincé. Ouais, il n'a pas compris vraiment à quel point Offenbach avait mis en valeur la femme. Il dit « L'Olympe traîné dans la boue, dans La Belle Hélène, toute une religion, une poésie bafouée. Depuis longtemps, le théâtre ne s'était pas vautré dans la bêtise la plus irrespectueuse comme ça. » Oui, vraiment, Zola n'a rien compris à Offenbach. Il a fait des choses tellement extraordinaires à côté qu'on lui pardonne. Mais voilà, il n'a rien compris à Offenbach. Oui, Nietzsche, par contre, donc comme Nietzsche qui a d'ailleurs adorera Carmen de Bizet, il dit de La Belle Hélène « C'est la forme suprême de la spiritualité. » Ah vraiment, oui. Ça, c'est une très belle phrase. Et puis Nietzsche s'est servi, bien sûr, d'Offenbach pour lutter contre Wagner, parce qu'il y a un couple dans la musique européenne à cette époque, une espèce de couple maudit. C'est d'un côté Wagner et de l'autre Offenbach. Les deux hommes se détestent. Oui, on est dans des styles tout à fait différents. Hein, oui, Richard mais Wagner. C'est en quelque sorte les deux bouts de l'échelle musicale. Oui, Richard Wagner, il dit d'Offenbach, c'est l'individu le plus international du monde. De connotation antisémite très nette. L'individu le plus international du monde dont la musique dégage une chaleur de fumier où tous les cochons d'Europe sont venus se vautrer. Ah oui, c'est la haine, Wagner a même été jusqu'à écrire une espèce de petite opérette, de livret d'opérette sur Offenbach. Et Offenbach, je vous rassure, s'est vengé en le caricaturant dans un certain nombre de pièces. On imagine bien, oui. On a dit aussi de la belle Hélène, Jean-Claude Dion, qu'elle présentait en creux une critique de la bonne société, du Second Empire, présentant à son public comme une sorte de miroir déformant d'elle-même, alors ça, c'est, de la salle. Ça c'est vrai, et en même temps, ce qui est formidable chez Offenbach, Miyake et Levy, parce que je veux aussi insister sur la qualité du livret. Hein. Miyake et Levy sont des grands auteurs, tous les deux académiciens français, ce qui veut d'ailleurs pas dire grand auteur, mais en tout cas, tous les deux de grands auteurs. Vraiment, donc il y a une satire qui est valable pour les spectateurs de 1864, et j'insiste beaucoup sur le fait que Offenbach, et notamment dans ses grands chefs-d'œuvre et la Belle Hélène en est un bien sûr, c'est vraiment quelqu'un qui fait une satire complètement intemporelle et universelle. Donc il faut pas avoir étudié le Second Empire pour comprendre la Belle Hélène. Je veux dire, quand vous lisez l'actualité et que le soir vous allez voir la Belle Hélène, il y a plein de choses, plein de connexions qui vont se faire. C'est toujours d'actualité. C'est toujours quoi. D'actualité, et ça c'est la force de ce répertoire. Et voir quand même des personnages de l'Antiquité qui jouent au jeu de loi, enfin, c'est assez amusant comme idée. Oui, il fallait la trouver. Et puis c'est effectivement voir avant tout des souverains complètement stupides et effectivement qui se laissent guider et par le bout du nez. Ça, je pense que c'est aussi encore d'actualité. Donc on a vu que cette œuvre, La Belle Hélène, comme les autres d'ailleurs, les autres œuvres d'Offenbach, sont des œuvres collectives. Donc il y a, vous l'avez dit, les librettistes, Lévy, Meillac, et puis il y a les chanteurs. Donc on dit... voilà. C'est vraiment toujours des pièces écrites pour une troupe. Hein, en l'occurrence, ça c'était la troupe des variétés. Alors on va faire un engagement pour rajouter telle ou telle vedette, notamment, on l'a bien compris, Hortense Schneider. Mais par exemple, on a entendu dans la fiction José Dupuis, qui est le grand ténor chanteur, de tous les grands rôles offenbachiens. Donc il y a vraiment une troupe, il y a aussi une attention extrême portée au costume, au décor, à la mise en scène. Offenbach, et à l'époque, le métier de metteur en scène n'existe pas encore, mais ce sont les auteurs, les compositeurs qui mettent en scène. Et Offenbach, il a le sens pour animer un plateau pour créer une ambiance, donc c'est vraiment un travail collectif. Oui. Et Hortense Schneider, une grande chanteuse, même si elle avait cette image de diva capricieuse, oui, de femme entretenue. Diva capricieuse. D'ailleurs, à un moment donné, dans la fiction, on a dit, elle chante pas si bien. Si, elle chantait très bien. Et Saint-Saëns avait même langues. Saint-Saëns avait même pensé à elle pour Sanson et Dalila. Donc c'est une grande chanteuse, et c'est aussi quelqu'un qui avait un charisme absolument extraordinaire. Donc là, on est déjà dans ce qui seront après les grandes vedettes d'Hollywood, par exemple. Après La Belle Hélène, Offenbach et Hortense Schneider retravailleront ensemble. Oui, alors là, c'est vraiment une association à succès absolument incroyable, puisqu'il y aura Barbe Bleue, la Grande Duchesse de Gerolstein, qui est vraiment l'apogée à la fois d'Hortense Schneider et d'Offenbach en 1967, avec tous les souverains qui défilent aux variétés, y compris dans la loge d'Hortense Schneider, la Péricole. Donc c'est vraiment, comme on l'évoquait tout à l'heure, des années absolument exceptionnelles, où le théâtre des variétés et Offenbach deviennent vraiment le centre du monde artistique. Merci beaucoup Jean-Claude Dion. Je signale simplement que Jacques Offenbach mourra donc en 1880 et Hortense Schneider en 1920. Merci Jean-Claude Dion. Votre biographie Jacques Offenbach, qui fait référence, est éditée chez Gallimard. Vous êtes aussi l'auteur d'une histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la Grande Guerre, publiée chez Aubier. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Cette émission, vous pourrez la réécouter ou la podcaster, ainsi que toutes celles que vous auriez manquées, sur le site franceinter.fr. J'attends vos commentaires également, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Excellente soirée sur France Inter.